بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه متبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم نخوض درسنا السابع من هذه المسائل. Aujourd'hui, on prend le septième درس de ces questions autour de la zakat. يقول متى يجب إخراج زكاة الفطر. Donc il dit maintenant c'est quoi le temps prescrit qui rend obligatoire la sortie de cette zakat. À quel moment il est obligatoire de la donner. القول الأول يجب إخراج زكاة الفطر بغروب الشمس آخر يوم من رمضان ليلة عيد الفطر. Donc le premier avis c'est qu'il est obligatoire de la sortir au coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. C'est-à-dire soit c'est le 29, soit c'est le 30. Car de là, Ramadan est fini. Et zakat al-fitr, comme dans les hadiths cités précédemment, au début du ders, d'accord, c'est pour clôturer le mois. Donc une fois que le mois est fini, cette zakat est imposable. Comme a dit le hadith Ibn Omar, طيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم a imposé la zakat à la rupture de Ramadan. C'est-à-dire à la fin de Ramadan. والقول الثاني, deuxième avis, تجيب بطلوع الفجر يوم العيد ووقول أبي حنيفة والليث وأبي ثور والظاهرية وغيرهم. Deuxième avis, c'est qu'il est obligatoire de sortir cette zakat au lever du soleil du jour du عيد. C'est-à-dire au Fajr. Avant d'accomplir la salat. Et le dalil, c'est le hadith de Ibn Omar également. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou quand le farad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, zakat al-fitr, sa'an min tamrin, ou sa'an min sha'irin, ala al-abdi wal-hur, wa zakar wal-unsa, wa s-saghir wal-kabir min al-muslimin, wa amara biha an tu'adda qabl khuruj al-nas ila s-salah. Muttafaqun alayhi. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a rendu obligatoire zakat al-fitr, et cela en étant un sa' de date ou un sa' d'orge, et cela sur l'esclave, sur l'homme libre, sur l'homme, sur la femme, sur l'enfant ou sur la personne âgée parmi les muslimines. Il a ordonné qu'elle soit donnée avant que les gens ne sortent à la salat. Donc, le moment qui est obligatoire et qui est même le dernier moment, le dernier délai pour la donner, c'est avant la salat. Là, on parle de l'obligation. À ce moment-là, vous voyez, on ne peut dépasser ce temps-là pour donner la zakat. يقول ما هو أول وقت يجوز فيه إخراج زكاة الفطر. Maintenant la question c'est quoi? C'est quel est le temps, le début du temps duquel il est permis, là c'est obligatoire, mais il est permis de sortir zakat al-fitr. C'est-à-dire la sortir à l'avance. À quel moment on peut? Donc il cite أولا قال العبدلي أجمع على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد. Donc il dit qu'il y a unanimité que le meilleur est de la sortir le jour du fitr avant la salat du Eid. Et ça c'est le dalil, c'est ce qu'on a cité précédemment du hadith d'Ibn Omar. Et il dit ثانيًا اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنه يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. Il a dit que les quatre imams sont unanimes, c'est-à-dire Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, qu'il est permis de sortir la zakat tôt d'un jour ou même voire deux avant le Eid. Et leur hujja, c'est qu'il a été rapporté que Ibn Omar justement le faisait. D'accord? Il sortait sa zakat al-fitr un ou deux jours à l'avance. C'est-à-dire si jamais c'est un mois de 30, depuis le 28 tu peux le sortir. Et si jamais c'est un mois de 29, depuis le 27 tu peux le sortir. Mais tu ne peux pas le savoir ça à l'avance. Car le mort ne le connaît qu'à la fin, le dernier jour. Quoi qu'il en soit, il est permis de le sortir un ou deux jours à l'avance. Ça y est. يقول هل يجوز تأخير إخراج زكاة الفطر عمدا إلى بعد صلاة العيد. Donc maintenant c'est le contraire. Est-il permis de retarder la sortie de cette zakat, c'est-à-dire après la salat du عيد. يقول القول الأول لا يجوز تأخيرها إلى بعد صلاة العيد وهو قول الظاهرية والحسن ابن زياد. Donc le premier avis c'est que cela n'est pas permis de la sortir après la salat du عيد. وقول الثاني لو أخرها عن الصلاة وفعلها في يومه لم يأثم وكانت آداء وإن أخرها عن يوم الفطر أثم لازمه إخراجها وتكون قضاء. Le deuxième avis c'est que si jamais il sort cette zakat après la salat mais dans le jour du Eid, que il n'a pas de péché. Cependant si jamais il la retarde après même le jour du Eid, alors lui il a un péché. Et il dit que c'est le mazhab de Shafi'i et c'est la parole de Nawawi. Il se base sur un hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. Et c'est un hadith qui était rendu faible. Dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit faites en sorte que les gens n'aient pas à tourner pour mendier ce jour-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils visent le jour et non pas la salat. Les savants qui sont de cet avis-là visent le fait que la zakat, tu peux la sortir le jour du Eid, même si après la salat. Ayem. Cependant, ce hadith qui était là n'est pas authentique. Et le hadith d'Ibn Omar est plus fort, qui dit qu'il faut la donner avant la salat du Eid, avant que les gens ne sortent pour la salat du Eid. Donc celui qui la donne après, sa zakat n'est pas acceptée. Et là, on parle de quelqu'un qui la retarde volontairement. D'ailleurs, il dit maintenant, « Izat akharat zakat al-fitr li'adam al-tamakkun min ikhrajiha fi waqtiha » Donc maintenant, quelqu'un qui a donné la zakat en retard, il est dans l'incapacité de la donner en heure. Il donne l'exemple d'une personne qui a confié à quelqu'un de donner sa zakat. Un homme, il était en voyage. Et il a dit, « Ya Fulen, ma zakat, elle est à tel endroit, je ne serai pas là demain pour le Eid, donne-la à un tel qui est méritant. » Et ce un tel qui était délégué a oublié. D'accord ? Eh bien, celui à qui la zakat appartient, à son arrivée sur place, même si c'est après le Eid, il peut la prendre et la donner, qu'elle est excusée, car ce n'est pas de sa faute. Là, ce n'est pas volontaire. D'accord ? Ce n'est pas volontaire. « Summa yakul, al-afdal an yufraq zakat al-fitr binafsihi » Il dit le meilleur, c'est que la personne distribue cette zakat par lui-même. Et il cite une parole de Nawawi qui parle de cela. Ittafaqa ashabuna ala an al-afdal an yufarraq ou yufarraq, je ne sais pas comment on dit. Al-fitratu bi nafsihi, kama ashara ilayhi Shafi'i bi hadha an-nass, wa annahu law dafa'aha ila al-imam aw as-sa'i aw man tujma' 'indahu al-fitra lin-nas wa azna lahu bi fi kharajha ajza'a lakin tafriquhu bi nafsihi afdal min hadha kullih. Donc il a dit que dans le mazhab Shafi'ite, il est meilleur que la personne donne sa zakat de lui-même. Cependant, si jamais il la donne au gouverneur ou à la personne qui est envoyée par le gouverneur ou par des gens qui sont, eux, délégués pour pouvoir amasser la zakat et la redistribuer, alors cela lui est permis. Mais attention, le meilleur, c'est de le faire soi-même. Et en même temps, on met en garde les gens de ne se reposer à donner leur zakat à des associations qui vont le redistribuer par la suite. D'accord ? Faites-le vous-même, cela est meilleur pour vous. Cherchez les pauvres, les nécessiteux, et donnez-leur eux-mêmes la zakat. Car ces associations, souvent, ne sont pas fiables. D'accord ? Très souvent, elles ne sont pas fiables. Donc vous, on vous conseille de le faire par vous-même. Et d'ailleurs, il y avait une kalam de Charles Fosen qui était citée, dans lequel il dit « Qui a confié à ces gens, ces jamaïyat, de prendre l'argent des gens pour les redistribuer ? Qui leur a donné de faire cela ? C'est une initiative de leur part. D'accord ? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il demandait ? C'est que les gens le fassent par eux-mêmes. Des fois, tu ne peux pas, c'est difficile, c'est possible. Cependant, tant que tu peux, ne te rebasse pas sur eux et donne ta zakat par toi-même. Et d'ailleurs, c'est la masala qui vient après. Il dit « Hal yajouz liman ali zakat al-fitr an yuwakkila ghayrahu fi ikhraj zakat al-fitr » Est-ce qu'il est permis à quelqu'un qui doit payer sa zakat de déléguer quelqu'un pour la sortir pour lui ? Donc, c'est l'exemple qu'on a dit tout à l'heure, que quelqu'un, par exemple, il est en voyage et il décide de demander à un de ses amis de sortir la zakat pour lui. Donc, cette délégation est quelque chose qui est permise en religion. Dans plein de domaines, ça s'appelle al-waka'ala. Tu confies à quelqu'un de faire une tâche pour toi. Pour le Eid, il égorge pour toi. Ta zakat mal, il la donne pour toi. Et ainsi de suite. Ce n'est pas dans tous les domaines. Lakin fi hadha al-bab yajuz wa yujza. Et il peut déléguer quelqu'un à tout moment. Masalan, il a sa zakat al-fitr qui est prête en début de Ramadan. Il dit à son voisin, cette zakat, je la laisse chez toi. Car je ne serai pas là pour le Eid. Donc, au jour du Eid, tu la prends et tu la donnes à Fulen. Taïeb, il ne la donne pas avant. Il met une condition. Fahada yajouz. Summa yakul hal yajouz lil faqir idha qabada sadaqata al-fitr an yabi'aha min ajli at-tahsil ou tahassul ala al-nuqud. Donc maintenant, est-ce qu'il est permis au pauvre qui a reçu le zakat al-fitr par la suite de la revendre pour avoir de l'argent ? Est-ce que cela lui est permis ? Et là, l'auteur a cité une parole de Al-Lajna Daima qui dit « Iza kana min man akhazaha mustahikon jaza lahu an yabi'aha ba'd qabdiha liyannaha sarat bil qabd min jumlat amlakihi wa la yajuz tawzi' zakat al-fitr naqdan ala sahih fi ma na'lam wa huwa qawl jumhur al-ulama » Il a dit « Si la personne était un ayant droit à qui on a donné les zakat al-fitr et qu'il la vend par la suite, alors il a le droit car cela est sa propriété, il en fait ce qu'il veut. S'il veut la revendre, il la revend. Il veut la donner, il veut la donner. » Ceci est sa propriété, il est libre d'agir comme bon lui semble. Par contre, il précise, même s'il veut de l'argent lui, toi, en tant que donateur de la zakat, il ne t'est pas permis de le donner en argent. Cette zakat est donnée en nourriture, comme le prouvent les ahadiths qu'on a dit au début du dirs. Et là, c'est la mas'ala maintenant qui cite, « Elle touche de قيمة في زكاة الفطر. Est-ce qu'il est permis de donner la valeur de cette zakat? Et ça, c'est une masala, vous savez, qui fait chaque année qu'il faut répéter aux gens. C'est un point sur lequel ils sont très laxistes. D'accord? Quand on sait qu'il y a des ulama parmi les anciens, dont Abu Hanifa, dont Omar ibn Abdul Aziz, et autres, qui l'ont fait. Cependant, cela est un échec de leur part. Et les hadiths sont venus clairs que les sahaba, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné qu'elles soient données en nourriture. Taïb, en nourriture. Et pour ceux qui disent que le pauvre a plus besoin d'argent que de nourriture, يقال له أن الفقراء كانوا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعلم بمصلحتهم ومع ذلك أمر أن تخرج زكاة الفطر طعاما. Il y avait des pauvres également à l'époque du Nabi صلى الله عليه وسلم, peut-être plus pauvres que nous aujourd'hui. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم connaissait leurs besoins. Malgré cela, il a ordonné que cette zakat soit donnée en nourriture pour que ce jour-là ils puissent profiter et manger comme tout le monde. Donc c'est un ordre et les règles doivent être suivies. Donc celui qui donne cette zakat en argent directement et non pas en nourriture, cela n'est pas accepté et invalide. Bi hujjat al hadith man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Celui qui innove dans notre affaire religion ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Donc cette façon de faire, elle est nouvelle. D'accord? Elle était faisable à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais ne l'a pas fait. Et aussi un tambi qu'on mettra pour les gens qui réalisent que donner la zakat en nourriture, il y a unanimité des savants que cela est valide. Alors que la donner en argent, d'accord, c'est une masala qui a un khilaf, et voire même khilaf qui est très faible. Donc pourquoi aller se fatiguer à entendre un khilaf alors qu'on a une masala qui est claire, unanime, et qui est facile pour tout le monde, de donner en nourriture? Ça, c'est de l'obstination, ça. Et du fanatisme pour le madhhab. Et également du laxisme pour ne pas avoir à se fatiguer. Et résultat, son acte ne sera pas valide. Donc sortez la zakat en nourriture. Et la chose, elle est très simple et facile à faire. Naam. Taïb. Naqifuna al-yom. Yada al-ders. Fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.